Bonjour. Je vous écoute. Oui, on pourrait prendre chacun le numéro d'un étudiant, puis y aller à leur place, puis bâcher Nadeau-Dubois. Ah, le numéro. S'infiltrer à la conférence en donnant le numéro d'étudiant, puis faire ce que Nadeau-Dubois nous a montré à faire. Grosse pancarte avec un genre de « va chier, mange de la merde », puis là, « hey, traitez-moi pas de vulgaire parce que les manifs à Montréal, je les ai vus ». Je pensais à ce qu'ils ont fait à Sophie Durocher, justement, en jasant avec elle hier, à quel point les étudiants ont été mesquins, grossiers dans leur message. Fait que moi, une pancarte « va chier, mange de la merde », ça me gêne même pas. Mais non, je le ferai pas, parce qu'il faut pas faire ce qu'on reproche aux autres. Mais je pense que les étudiants, Jérôme, eux-mêmes, on n'a pas besoin d'y remplacer, sont capables, en esprit libre et indépendant, de s'opposer à ça eux-mêmes. Je le souhaite. Merci d'avoir appelé David. Salut, David. Allô, David. Oui, oui, Sylvain, est-ce que vous m'entendez? Yes, yes, je t'écoute. Bon, c'est bien beau. Non, moi, un peu pour rejoindre votre interlocuteur avant, c'est tout simplement aller à cette belle conférence, les étudiants qui sont pas d'accord, avec une belle gang de casseroles. Et puis, monsieur Nadeau adore les casseroles, adore de faire un beau tintamarre. Donc, moi, je suggère fortement aux étudiants qui ne sont pas d'accord avec lui. Une manif! Exactement la même chose. Une manif avec des casseroles, puis on fait du bruit, puis bang, bang, bang, bang, bang, puis il essaye de parler. Laissez-moi parler! À l'intérieur même de l'auditoire, c'est marrant que vous avez passé le cercle des poètes disparus quand j'étais étudiant il y a de ça quelques années. Quel bon film, hein? C'était un film qui nous avait marqué, parce que justement, par rapport à cet esprit de se soulever de façon un peu différente. Mais non, moi, là, je dirais, le vision que vous avez passé tout à l'heure au niveau de l'entrevue, là, ben, c'est pareil. Là. Merci, David. Simplement, y aller avec quelques trolls. L'idée est retenue. Merci, David. Je suis en train de vous perdre à cause du cellulaire, mais on a bien compris le message. Merci d'avoir appelé. Sébastien, salut, Sébastien. Ouais, je comprends pas. Salut, Butch. Je comprends pas, moi, tabarouette, que les professeurs forcent les étudiants à s'abreuver des paroles de Nadeau-Dubois. Tout ce qui a amené, là, à l'au-bout de la ligne, là, c'est de la merde. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Fait que les étudiants, moi, je donne raison aux étudiants s'ils vont avec les casseroles. C'est Moses de bonne idée. Moi, j'avais pensé y aller avec un Walkman des oreilles. Et qu'il y aille avec un Walkman des oreilles, puis on n'écoute pas. Ouais, bien branché sur l'FM 93. Ça va faire suer encore plus. Ah, merci. Écoutez-nous à la place. Il manquait pas le Vox Pop, là. Je le présente tantôt. Vous allez pogner de quoi? Parce que non seulement c'est scandaleux d'avoir Gabriel Nadeau-Dubois, selon moi, comme lecture obligatoire, mais c'est surtout qu'il prend la place d'un auteur québécois important. Ouais. Qu'importe. Et vous allez voir que le besoin est immense. Donc c'est le métier. Ouais, je vais parler avec qui? Max. Puis après ça, on va écouter le Vox Pop. Salut, Max. Bonjour Sylvain. Je vous écoute. Les étudiants pourraient lui faire, à Nadeau-Dubois, là, un Amir Kadir et lui, au lieu de lancer un soulier, lui lancer son livre. Non, ça j'aime moins ça parce que ça peut être violent. Même si, écoute bien, Max, tu vas dire, hey, ils ont toujours bien lancé eux autres des balles de billard, des exactos, des billes, des sacs d'urine. Je vais répéter, je ferai pas ce que je leur reproche. Tout ce qui peut être violent. Par contre, les casseroles, une manif, faire du bruit et l'empêcher de parler, anytime. Anytime, oui, mais... ça ils l'ont assez fait. Mais le reste... Son livre, il est pas ben épais, fait que ça ne fera pas mal. Salut, c'est une lecture plutôt légère.